sa fidèle aurore. Lui donne du chagrin, elle donne tout de son être. Pas ce qui ne vaut bien, mais tout un coup les choses basculent. La rupture sonne comme une pendule, et pour ça elle rit le jour et pleure la nuit. Se fait de soucis, et quand viendra l'amour, les amis autour, famille gentille, rencontre à Paris et aimer pour toujours. Devant la vie, devant l'envie, son cœur hurlit et on lui joue des tours. Elle rit le jour, elle pleure la nuit, elle croit au paradis. Na na na. Dans un grand appartement et vivre l'aventure. Wow, wow, wow. De papa et maman, les loisirs, confiture. Wow, wow, wow. Son figure du passé est payée et facture. Wow, wow, wow. Que donc lui ont fait payer. Mais tout à coup les choses basculent. Dans son visage, son ras-le-bol de jouer les pendules. Et pour ça, elle rit le jour, elle pleure la nuit. Se fait des soucis, et quand viendra l'amour, les amis autour, famille gentille, rencontre à Paris, et aimer pour toujours. Devant la vie, devant l'envie, son cœur est rue, et on lui joue des tours. Et soudain, l'aventure qui était tant attendue, plus jamais de rupture. Wow, wow, wow. D'un amour disparu, toute pensée, ses blessures. Wow, wow, wow. Ce dernier apparaît, l'a fait rêver, l'a fait danser. Wow, wow, wow. Et pour toute l'éternité, mais tout d'un coup les choses basculent. L'amour fou a brisé les pendules. Et pour ça, qu'elle rit le jour, elle rit la nuit. Dans le paradis, des rayonnements l'entourent. Ces mauvais jours, ces insomnies sont maintenant finis. Un être pour toujours, maintenant la vie. Son cœur ébloui, plus de vilain vautour. Elle rit le jour, elle rit la nuit. C'est beaucoup mieux ainsi. Elle rit le jour, elle rit la nuit. Est au paradis, des rayonnements l'entourent. Ces mauvais jours, ces insomnies sont maintenant finis. Un être pour toujours, maintenant.